arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Direct dans les studios, Virginie. Ça va? Oui. Un peu stressé, c'est une première radio pour toi? Oh, première. Nous, d'habitude, on est plutôt interviewés dans la nature. Bah, dans la nature, part, oui, en j'ai vu. Action, donc c'est vrai que je suis rarement posée quelque part, sauf si vraiment c'est de la télé, mais c'est oh, voilà. Alors, Virginie, on peut donner le nom Rose? Tout à fait. Tu portes bien en plus le nom Rose, hein, forcément. Oui. Il faut le garder, ce nom. Alors, Virginie, alors, c'était pas prévu que tu viennes aujourd'hui, enfin, tu viennes aujourd'hui sur Orléans, oui, mais c'était pas prévu que tu viennes discuter à la radio. Et moi, dans la tête, cette semaine, j'ai dit à Émilie, c'est dommage d'avoir une personne que je connais qui vient sur Orléans et que, avec le passé que tu as, le vécu que tu as, c'est dommage de pas parler un petit peu de ces belles aventures que tu as vécues. Alors donc, je te remercie déjà d'avoir accepté mon invitation. C'est moi. Et donc, on va parler avec toi de rallye, de course automobile. Alors déjà, comment t'es venu là-dedans tout départ? Parce que au départ, on peut dire que t'étais pas destiné pour ça dans la vie. Hein. T'étais plutôt posé, des études. D'ailleurs, quel genre d'études tu as fait? Moi, j'ai fait l'école hôtelière avant de créer une société d'import-export dans les vins et spiritueux que j'ai toujours, donc avec mon associé. Voilà. Donc tu as vraiment bifurqué totalement de destination. En fait, j'ai fait du sport au haut niveau étant jeune, et puis ensuite, on fait sa vie professionnelle dans un milieu qui est très très passionnant. Hein. Le vin et les spiritueux, il y a quand même pire. Hein. Oui, c'est sûr. Consommer avec modération. Alors, c'est ça. Mais, moi, pour connaître aussi son associé, c'est l'autre qui boit. Mais elle pilote aussi. Oui. C'est un peu plus. Il faut boire pour produire avec elle. Hein. C'est ça. Donc c'est vrai qu'on avait une boîte ensemble depuis pas mal de temps aujourd'hui. On a fait l'école hôtelière ensemble, donc on s'est rencontrés comme ça. Mais le rallye, ça n'avait rien à voir. Je faisais tout simplement partie, donc je suis de Paris, parce que j'ai entendu que donc je suis de Paris, je suis descendue à Albi il y a une dizaine d'années, et j'ai fait partie tout de suite d'une association en rapport avec le handicap. C'est quelque chose qui me tenait à cœur, et dans le cadre du handicap, notamment de la paraplégie, il y a beaucoup d'accidents de voiture, et beaucoup de jeunes qui, suite à un accident de voiture, deviennent paraplégiques, donc en situation de handicap. Et dans cette association, on avait décidé en fait à ce moment-là de créer une section handi-basket. Et comme il n'y avait pas suffisamment de personnes en situation de handicap, on s'y est tous collés, donc on a fait du basket tous ensemble. Et puis un jour, avec une fille qui, elle, était en fauteuil roulant, on s'est dit, mais le basket c'est bien, mais la voiture c'est mieux. Tout simplement parce qu'on aimait ça, hein. C'était pas mieux, c'était juste très différent, mais on s'est dit c'est peut-être plus, en termes de message, c'est plus intéressant, parce que le handi basket, c'était quand même des compétitions, il y avait des valides, mais il y avait quand même essentiellement des personnes en situation de handicap, hein. Entre eux, on avait un problème de visibilité d'ailleurs. Un cercle fermé quoi, du coup. Ouais, relativement fermé. Et là, on voulait faire quelque chose dans un esprit complètement différent, et uniquement du rallye, parce que c'était en plus ça. Ça faisait écho à l'accident de voiture qu'avait mon amie, donc, et elle s'est dit, écoute, pourquoi pas. Après tout, c'est pas parce qu'on a un accident un jour qu'on peut pas reconduire après, et qu'on ne peut pas faire de compétition. Donc on s'est lancé dans le rallye comme ça, un peu par hasard. Un peu par hasard. Et donc, le un peu par hasard, c'était quel premier rallye? Parce qu'il y a des hasards qui font bien les choses, tu as quand même pas commencé par le plus petit rallye de quartier. Non, on a fait le rallye à chez des gazelles, en fait. Oui. Alors, on s'est connecté sur Internet, on vous parlait de solidarité entre artistes tout à l'heure. Il y a une chose qui est très très importante dans le cadre du rallye, c'est la solidarité. Aujourd'hui, on fait pas un rallye, on peut faire du rallye en étant ultra individualiste, hein, mais c'est pas du tout l'esprit des rallyes dans lequel nous sommes aujourd'hui en ce qui nous concerne, nous. Et donc la solidarité est très importante, et c'est la raison pour laquelle on a plongé dedans, parce que un fauteuil roulant et une dune de sable, à la base, c'est pas forcément quelque chose d'hyper compatible. Il y a des petits trous, ça va pas, hein, dans le sable. Ouais, on s'est beaucoup éclaté, mais on a beaucoup peiné quand même dans le sable. Hein. C'est pas simple. Éclaté, hein. pas au sens figuré, je veux dire. Non. Donc on s'est beaucoup amusé dans le sable, on a beaucoup ri, mais ça a été un peu compliqué. Ceci dit, la solidarité a fait que, fauteuil ou pas, on peut faire du rallye automobile, on peut aller dans le désert, on peut passer des dunes et on peut passer la ligne d'arrivée. Ça, c'était en quelle année la première expérience? C'était en 2008. Et c'est pas devenu une passion, c'est devenu un virus. Oui, oui, parce que quand enfin, tu regardes, voilà, c'est tout passe par là. Il y a le travail, avant c'était du Facebook, des petites photos de travail, et depuis, pour te suivre un petit peu, on voit maintenant que c'est essentiellement autour de ça. Et donc le premier s'appelait la team des gazelles, je crois. Oui, la team Saïga, parce qu'en fait voilà, les Saïga sont des petites gazelles qui existaient, enfin qui vivaient dans le sud-ouest à l'époque et qui ont migré vers l'est et qui aujourd'hui sont en Russie et en Mongolie. Et puis avec le temps, c'est appelé le team 102 aussi, parce que notre premier rallye, on l'a gagné avec le numéro 102, donc c'est devenu quand même un peu comme les artistes. C'est un petit peu pareil. Et alors pour ce premier rallye, la performance est arrivée combien ? Il y avait une centaine d'équipages, on est arrivé 37e, ce qui pour notre premier rallye, et on était quand même le seul équipage Andy valide. Andy, c'est ce que je veux dire, voilà, par rapport à ça, c'est ce qu'il fallait dire, c'est que sur 137e, beaucoup disent oui, wow, c'est pas un exploit, mais si, c'est un exploit énorme, parce que vous étiez quand même la seule équipe à avoir une personne valide et une personne handicapée en même temps, et en fauteuil roulant, c'est pas qu'un petit handicap par rapport au rallye, et vous avez quand même réussi à arriver à la ligne d'arrivée, ce qui est le plus important déjà dans Et arriver 37e, oui, je pense que c'était un exploit, à mon avis. Vous aviez quand même dû empenner, mais être heureuse à la fin. Oui, on n'envisageait pas de faire un podium ou quoi que ce soit. Oui. De toute façon, c'était notre premier rallye, donc en plus, le problème ne se posait pas. Mais c'est vrai que pour nous, c'était vraiment, au travers de cette aventure, de lancer un message. Quoi. L'automobile et le fauteuil roulant, c'est absolument pas incompatible. Et en plus, dans le désert, il n'y a aucune raison de s'enfermer chez soi, parce que malheureusement, un accident de vie a fait que. On a essayé de démontrer le contraire, et on l'a fait sans assistance. Oui. Donc ouais, on était super super contente et on a attrapé un virus quoi. C'est un virus. Aujourd'hui, il n'y a pas de remède par contre contre ça. Mais vous en passez. Repartir. Donc combien de rallyes à votre actif aujourd'hui ? Aujourd'hui, on en a fait 6. Donc j'ai par contre changé de coéquipière entre-temps puisqu'elle a arrêté par contre le rallye à un moment donné. Donc j'ai arrêté moi-même un petit peu le rallye parce que je voulais repartir avec quelqu'un que je connaissais bien. C'est très fort un rallye. C'est très puissant, on est dans le désert, on se cache pas. Et concrètement, combien de kilomètres, combien de jours, combien ? Alors les rallyes, c'est entre 8 jours et 14 jours à peu près. Hein. Donc ça dépend des rallyes, du type de rallye et puis de l'endroit dans le monde. C'est très différent au Maroc, hein, c'est pas loin, qu'en Mongolie. Là, on rentre de Mongolie, donc les conditions sont très différentes. Donc c'est assez variable. Et à l'intérieur, les rallyes se valent. Ils sont plus ou moins difficiles. On y va généralement crescendo. Hein, et puis il y a des types de rallyes, des types de navigation à l'intérieur même des rallyes qui sont très différentes. Mais l'essentiel, vraiment, c'est la solidarité. C'est-à-dire que même si vous faites première, vous êtes certes très contente, mais vous n'arrivez jamais première toute seule. D'abord parce que une voiture, c'est un élément en plus dans un équipage. Ça peut être un problème mécanique, des problèmes de changement de roue. Il faut forcément s'entraider à un moment ou à un autre. Donc, même quand on arrive première, l'idée, c'est quand même de tout partir ensemble et de tout arriver. Après, évidemment, il y aura toujours une première et malheureusement une dernière. Mais l'idée, c'est quand même de réussir au maximum le rallye, d'être solidaire et de parvenir à nos fins. La dureté de ces rallyes, c'est quoi ? C'est de plus en plus dur, tout dépend des types de rallyes, mais c'est vrai que là, on rentre de Mongolie, là, c'était vraiment corsé. C'est le seul rallye au monde qui tourne autour de trois types de navigation très différentes, donc c'est vraiment très, très difficile. Quoi. Comment on s'y prépare, justement, l'avant ? Vous sollicitez, je ne sais pas, des coachs sportifs, des gens qui ont déjà des expériences en rallye pour vous encadrer ? C'est l'expérience qui fait que petit à petit, après vous pouvez vous entraîner, mais en France c'est compliqué. D'abord parce que le type de navigation qu'on fait, c'est la navigation à l'ancienne, donc boussole, carte, carte en noir et blanc. Vous n'avez pas d'organisation. Je serais mal barré, moi je serais encore. Si t'as pas ton téléphone et ton GPS, toi. Je suis toujours sur le rallye de 2008. J'ai une question. Je cherche à rentrer. Est-ce que, mais normalement il y a une organisation, parce qu'il y a des dangers quand même. Ah, il y a une très belle organisation. Comme celui qui avait fait Paris-Dakar, il est décédé quand même. Comment il sera. J'ai oublié son. Sabine ? Non. Ouais. Non, je sais pas, Balavoine. Balavoine, c'est qui jouait avec Thierry Sabine du reste du groupe. Donc, il y a quand même des risques, donc il y a toute une organisation quand même qui y a en amont. Ce sont des organisations extrêmement professionnelles aujourd'hui, des gens qui très souvent ont justement fait une carrière complète de rallye et souhaitent organiser ensuite des rallyes eux-mêmes. Alors pourquoi vous dites que ça n'est pas très français ? C'est pas dans la culture française le rallye automobile ? Si, c'est dans la culture française, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de rallye en France, tout simplement parce que c'est absolument impossible de faire du rallye raid en France. Parce qu'il y a eu la COP 21. à travers les montagnes, les collines, ça doit pas être pratique. C'est un peu compliqué. On aurait un bon désert, oui, je pense que oui. C'est ça. Donc, on fait du rallye à l'étranger, mais ce sont majoritairement, en effet, des rallyes des organisations françaises qui invitent aujourd'hui sur le rallye chez les Gazelles. Il y a une trentaine de nationalités, donc c'est le deuxième rallye au monde en termes de retombées médiatiques. Donc, ce sont des gros rallyes. Vous disiez, vous étiez attaché par rapport au handicap, etc. Il y a toujours une valeur humanitaire dans ces rallyes. À côté, il y a l'épreuve sportive, puis l'engagement humanitaire à côté. Tout à fait. Toujours, il y a toujours un rattachement. Toujours. Toujours. Vous pouvez très bien, par exemple, passer l'après-midi à repeindre une école au Maroc. Ah bon? Par d'accord. Exemple. C'est cool. Est-ce qu'il y a aussi des aides financières, par exemple, des choses qui se déclenchent au profit d'eux? En fait, vous avez deux solutions. Soit l'organisation, dans le cadre de l'inscription, alloue, j'imagine, une partie de cette inscription. Soit des associations locales, soit eux-mêmes ont des associations, notamment sur le plan médical, des caravanes médicales qui suivent le rallye et qui, en même temps, vont voir les villageois des différents pays. Vous avez dit repeindre une école, c'est incroyable, pendant le rallye. À quelles autres actions vous avez participé? Alors, en Argentine, on a participé à une journée d'action au travers de l'équinothérapie. Il faut savoir qu'il y a plein de petits qui ont des handicaps dans les Andes. Ils habitent très très loin quand même, ils sont très très isolés. Et donc, les caravanes essayent de passer, de les amener vers Salta, qui est la plus grande ville du coin, on va dire. Et là, il y a beaucoup d'associations qui essaient de développer l'équinothérapie. Alors, moi je connais l'équithérapie, la thérapie par le cheval. C'est quoi l'équinothérapie? C'est pareil, mais en Argentine, la culture du cheval étant très très très importante, ils ont développé beaucoup plus qu'ici, énormément d'associations, énormément de jeux, et au travers des différents handicaps, ils adaptent en fait l'équithérapie telle qu'on la connaît en France, donc au handicap et au type. Trop peu. C'est plus développé. Alors paradoxalement, c'est un pays qui a beaucoup souffert. C'est vrai, l'équithérapie. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Vous voyez un enfant qui est polyhandicapé. Qui est sur sa petite chaise, un peu tout seul. Un peu éteint au départ. Exactement. Il va s'éveiller avec le cheval. Exactement. Même une heure après, vous avez un enfant qui sourit. Et déjà, rien que ça, c'est énorme. Alors évidemment, en fonction du type de handicap, c'est très différent. Mais là, je parle vraiment d'un enfant qui souffre de multiples handicaps et qui, tout simplement, a un sourire éclatant au bout d'une heure. Il est heureux. Et ça, c'est un truc de fou, quoi. C'est merveilleux. Est-ce que vous avez déjà écrit des choses ou est-ce que vous y pensez pour relater tout ce que vous vivez sur ces rallyes, que ce soit d'un aspect humanitaire ou sportif, les deux? Alors, généralement, j'essaye de tenir un carnet de bord, ou alors j'essaye surtout à la fin, même si je suis super crevée, les premiers jours, là, juste après le rallye, parce que les souvenirs sont encore très très frais, de coucher ça. On peut imaginer un jour l'édition de ces carnets? C'est possible, c'est possible. Ouais. On sera ici sur Arc-en-Ciel. Il faut suivre l'aventure sur Facebook. Avec grand plaisir. Moi, je suis l'aventure. Oui, voilà. Facebook, quoi. Alors, la page Facebook, justement, sur quoi va-t-on? Alors actuelle, parce qu'on en a changé, c'est Team 102, je crois, et les Saïgat. Donc Team 102, vous devriez normalement pouvoir trouver quelque chose sur Facebook. Et très Twitter aussi. Ouais, très Twitter, très réseaux sociaux de petit à petit, parce que le seul souci des rallyes, c'est quand même d'obtenir des sponsors. Et lorsqu'on a des sponsors, d'essayer de faire vivre nos aventures pendant, mais aussi justement après, au travers aussi de ce qu'on peut faire avec nos sponsors. Alors, on disait juste en présentation, Sébastien l'avait dit, vous étiez championne. Quel rallye avez-vous gagné? De supporter sa coéquipière. Ah, c'est énorme. D'être venu sans aujourd'hui. Et plus sans de supporter les animateurs d'Arc-en-Ciel. Voilà. Non, mais on a gagné le premier qu'on a gagné, c'est le Raid Cap Femina Aventure, donc au Maroc 2011. Et ensuite, ce qu'on essaie surtout de faire aujourd'hui, c'est de témoigner pour deux raisons. Parce qu'il y avait l'idée du handicap, mais il y a aussi l'idée de la femme. On parle beaucoup des femmes. On a développé quand même depuis 20 ans aujourd'hui des rallyes féminins. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est un milieu qui était difficilement accessible. Surtout dans des pays où justement la condition de la femme va être beaucoup moins... Exactement. Idéal que chez nous quand même. Oui, malgré tout. Et donc c'est vrai que pour nous, c'est surtout de... Je pensais à ça. Voilà, d'encourager les femmes, alors pas forcément à faire du rallye, mais tout simplement... Dans certains pays, des femmes au volant, ça surprend les populations. Quand vous arrivez dans des pays où la femme est quand même... voilà, sous... Je trouve pas le mot, mais... On ne l'attend pas, prenant la place de l'homme, voilà, clairement. Ça étonne, en général. Ça étonne, mais c'est bien plus. Faut dire ce qui est, hein. Oui, malgré tout. Ce qu'il y a, c'est que même quand c'est bien pris, souvent, lorsque par exemple vous crevez ou vous déjantez et que vous n'êtes pas loin d'un village. Je rappelle vous avez, au sens propre, pas au sens figuré. Oui. La voiture a crevé. Le pneu. Mais vous pouvez déjanter aussi au fin fond du désert. Hein. Ah oui, bah oui. Vous êtes seul, vous êtes face à vous-même, face aux éléments, vous êtes pleinement vous-même, vous pouvez aussi de temps en temps pousser un cri. Ou plusieurs. Bah, un cri, le cri de voiture. C'est ça aussi. Pareil. Donc là, vous avez des. Quelquefois, alors, il y a des pays comme en Mongolie, vous n'avez que des nomades. Donc vous rencontrez très très peu de gens. Donc là, vous êtes vraiment obligé de vous débrouiller seul. Dans certains pays, vous avez quand même un petit peu plus de population. Et là, vous avez des hommes qui viennent, rapidement quand même vous aider. C'est très gentil, mais on leur dit on n'en a pas toujours besoin, ou c'est pas la peine de s'y mettre à 15, ou c'est pas la peine de nous exclure du problème, on va y arriver. Et ça, c'est pas dans leur culture, donc c'est vrai qu'il y a une éducation. Les femmes sont capables de faire du rallye. Moi, en plus, dans certains pays, j'étais donc avec quelqu'un qui était en situation de handicap. Il faut bien savoir que dans certains pays, le handicap, c'est pris comme d'abord une punition. D'abord d'être une femme, et ensuite... Voilà. ça fait double. C'est beaucoup. Donc là, on était quand même des attractions un petit peu étranges, mais je pense que ça fait bouger les mentalités, et c'est ce qu'il faut. Et j'encourage aussi les femmes aujourd'hui à faire quelque chose. Une femme est capable de la même chose évidemment qu'un homme, mais surtout il faut suivre ses rêves. Il faut. Là, on a des chanteuses et je dis bravo parce que j'imagine quand même que le parcours est long. C'est pas simple tous les jours. Oui, c'est pas toujours facile. Mais oui, c'est dans tous les domaines pareil. Hein. C'est ça. Virginie, prochain rallye programmé à grande égalité, hein, franchement. Mais c'est pour ça que j'ai invité que des femmes au micro. T'as vu là de mon côté. Je n'ai que des femmes en face de moi. Il a fait ça bien ce matin. Prochain rallye programmé. Alors, on hésite en fait entre Oman, qui sera un rallye purement sable, donc que du sable du matin au soir et du soir au matin, ou alors la Chili-Bolivie Aventura Cup, qui se déroule au mois d'octobre et qui là sera un rallye montagne, puisqu'on montera jusqu'à 6000 mètres. Octobre de la 2018. Il faut bien un an pour se préparer à un rallye ? Oui, il faut un an. Il faut un an pour des raisons financières, et puis parce qu'on travaille à côté, que nous ne sommes pas professionnelles toutes, très loin de là, et donc il faut gagner sa vie et vivre. Ouais. Et puis parler du rallye et encourager toutes les femmes et puis tous les hommes à suivre leurs rêves et à vivre leur vie au maximum, parce que la vie, ça passe vite, et donc il faut y aller, quoi. Arc-en-ciel, c'est du soleil, plein les oreilles, plein les yeux.